Merry Christmas. Studek Web. Studek Web, il est 16h. Studek Web, les infos. Toute l'actualité avec vous, Johan Bredeau. Bonjour Johan. Bonjour Robin, bonjour à tous. C'est une semaine décisive pour la crise des gilets jaunes. Emmanuel Macron réunira demain ministres et acteurs économiques pour organiser la grande concertation prévue. Il a donc annulé son déplacement prévu à Biarritz pour lancer la présidence française du G7. Il est remplacé par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Cette décision prise aujourd'hui intervient au lendemain de l'entretien d'Édouard Philippe réalisé par les Échos. Le Premier ministre y a détaillé les mesures sociales annoncées la semaine dernière. 5 millions de foyers seront concernés par la hausse de la prime d'activité. Un proche de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg mardi dernier, sera présenté à un juge d'instruction. Le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. Il avait été arrêté jeudi. Il est soupçonné d'avoir aidé Chekat à obtenir le revolver utilisé le 11 décembre, tuant 5 personnes et en blessant 11 autres. 6 proches du terroriste placés en garde à vue, dont ses parents, ont été libérés. Alexandre Benalla, ce n'est pas fini. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a de nouveau été mis en examen pour violence lors du défilé du 1er mai. Celle-ci aurait eu lieu au Jardin des Plantes, peu avant celle place de la Contrescarpe, selon une source proche du dossier. De nouvelles avancées au Yémen. Demain, à minuit, un cessez-le-feu effectif est attendu à Obeida, une province du pays. Cette trêve devait entrer en vigueur la semaine dernière, mais selon les Nations Unies, des raisons opérationnelles l'ont repoussée. De durs combats et des raids aériens se sont poursuivis ce week-end. Jeudi dernier, les rebelles houthis avaient conclu un accord en Suède pour cesser immédiatement les hostilités dans un pays en désastre humanitaire. Tout autre chose maintenant, sport et football. On connaît les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera Manchester United et Nasser Al-Khelaifi, le président du club de la capitale, a réagi. « Nous serons prêts », a-t-il dit. Lyon tentera de créer l'exploit face à l'ogre barcelonais. Autre match de ces huitièmes de finale, Atlético Madrid-Juventus, Liverpool-Bayern-Munich ou encore Tottenham-Dortmund. Phase aller en février, phase retour en mars. Le tirage des 16e de finale de la Ligue Europa a suivi. Un seul club français engagé, il s'agit de Rennes qui affrontera le Betis Séville. Météo, pour conclure ce flash, quelques averses prévues cet après-midi sur le nord-est ainsi qu'aux alentours de Rennes. Le soleil sera présent sur tout le reste du territoire et côté température, il fera plus doux, sauf sur Grenoble avec moins 1 degré. Il fera 6 sur la capitale, 10 à Biarritz, c'est la maximum. Pour Brest avec 11 degrés. Fin de ce flash, c'est l'heure média avec Robin Chauffard. Merci Johan. Prochain point sur l'actualité à 16h20 sur Studek Web. La Commission nationale ne s'est pas opposée à la diffusion de l'émission que vous allez voir. 16h-17h. Radio Ganaswinda, bonjour. Robin. Et en plus, c'est un massagiste en or. Adrien. Brigitte, en plus, a résisté à la canicule. Romain. Le seul moment où il y a des gens élégants à télévision, c'est quand on refait le match. L'heure média, c'est de 16h à 17h sur Studek Web. Bonjour et bienvenue en ce lundi après-midi, c'est Robin de 16h à 17h sur Studek Web. C'est l'heure média, votre émission consacrée 100% aux médias, avec des infos fraîches, c'est de saison, de la bonne humeur, un débat et votre jeu du c'est qui c'est quoi. Rassurez-vous, je ne suis pas seul à la présentation puisque je suis avec toute l'équipe de l'heure média, avec Romain, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Qui reviendra sur une émission culte de DF1 dans une année, un média. Il reviendra sur toute l'actualité médiatique dans le journal des médias. Il est toujours en retard, sauf pour la média. Bonjour Adrien. Non, quand même pas, peut-être pas autant. Mais bonjour Robin, ça va ? Ça va. Alors toi, tu nous donneras le programme télé de ce soir. Tu nous as aussi compilé les meilleurs moments de la télé de la veille. Mm-hmm. Et tu nous parleras d'un animateur radio célèbre dans le lundi portrait, c'est bien ça ? Effectivement, ça sera un animateur de Énergie, ça s'appelle Manu dans le 6-9 si vous connaissez. Et pour compléter notre équipe comme chaque jour, notre confrère de la rédaction de Studek Web, Morgan Thomas. Une concert aujourd'hui, bonjour. Concert. Oui, c'est vrai. Bonjour Morgan. Avec toi, on fera un point sur les audiences télé d'hier soir. Enfin, on fera la route ensemble avec toi grâce à l'infotrafic dès 16h20. N'hésitez pas non plus mais maintenant à vous connecter sur les réseaux sociaux avec hashtag LeurMédia. On lira tous vos messages et on répondra à toutes vos questions. Je vous rappelle qu'il est toujours temps de vous inscrire pour notre jeu du C'est qui c'est quoi pour tenter de gagner un pack Studek Web avec une photo dédicacée de toute l'équipe et les visites des studios de Studek Web. Alors envoyez dès maintenant un mail à heurmedia@studekweb.com. On débat dans 3 minutes après le titre du moment de Angel. C'est tout oublié sur Studek Web. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me veut juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'il t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Sur Studek Web que vous pouvez nous voir en live vidéo sur Dailymotion. Les avis s'opposent. Ouais. Dans le d'accord pas d'accord sur Studek Web. Et aujourd'hui, oui, plus que 8 jours et c'est Noël. Cela ne vous a pas empêché de voir que sur les chaînes de télévision, TF1 et M6 bousculent leur programme de l'après-midi pour vous proposer des séries et des émissions télé en rapport avec Noël. Avec des coups de foudre et des cadeaux, des milliers de sapins et guirlandes lumineuses font leur apparition. TF1 a encore mieux fait puisque leur grille des programmes de l'après-midi est complètement ciblée sur Noël, notamment avec deux jeux télé, avec Mon plus beau Noël avec Valérie Damido et C'est déjà Noël, le nouveau jeu de Jean-Luc Reichmann. Avec Jean-Luc Reichmann, c'est déjà Noël. Est-ce que les traîneaux sont prêts au départ? Un nouveau jeu en famille pour vivre la magie de Noël. Slalomer entre les bosses en tentant d'éviter les boules de neige. Deux couples de candidats vont s'affronter dans une course de Noël effrénée. Je cours, je vole, c'est Noël. Mais non. C'est déjà Noël, présenté par Jean-Luc Reichmann, à partir de lundi à 18h15 sur TF1. Alors ma question est simple, équipe, est-ce que ces deux émissions sont pas en trop dans la programmation, sachant qu'avant on a quand même deux téléfilms de Noël, et est-ce que vous pensez que TF1 aurait pu laisser la programmation normale avec 4 mariages pour une lune de miel, et bienvenue chez nous qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Adrien, commence. Eh ben alors moi je suis tout à fait contre en fait, parce que je suis désolé, mais déjà on en bouffe trop de ces thèmes-là. Et puis même dans tous les cas, j'ai envie de te dire, c'est exactement, enfin, tu parlais des jeux, c'est exactement les mêmes jeux entre guillemets, mais entre guillemets sous forme de Noël. Donc ouais, c'est ça. Il y a pas d'originalité, il y a pas spécialement de choses à porter en plus. Et pour moi, c'est vraiment dommage, ça gâche la programmation pour moi. Toi, Romain, t'en penses quoi de cette programmation 100% Noël de TF1? Alors, je suis à la fois pour et à la fois contre. D'accord. Parce que je trouve, bon, c'est Noël, bon, c'est la vie de Noël, on est bien, on aime bien regarder les téléfilms. Mais les téléfilms de Noël ont commencé depuis début novembre. Ah, puis surtout, c'est clair. On est à saturation des films de Noël. Et donc, voilà, je suis à la fois pour qu'on mette des films de Noël, mais à la fois contre qu'on nous bassine depuis début novembre. Alors, Morgane, Thomas, a peut-être un petit avis sur la question? Ben du coup oui, c'est pas faux ce que tu dis, mais d'un côté faut bien les écouler ces téléfilms. Quand est-ce que tu les passes si tu les passes pas à la période de Noël? C'est pour ça que je suis pour. On a deux mois top chrono pour faire. Après il faut que ce soit des bons films aussi. C'est ça le problème. C'est pas le cas. Ça c'est la question. Ouais là c'est ça le problème. Donc parce que c'est des redifs à chaque coup. Voilà, c'est imposer un film de Noël, c'est un peu de la facilité pour moi. Le débat est clos, mais il continue sur les réseaux sociaux. Vous pouvez donner votre avis sur la page Facebook StudacWeb et sur Twitter avec le hashtag StudacWeb. On lira les meilleurs messages à l'antenne. Car Leur Média, c'est aussi votre émission avec tous vos tubes préférés et les nouveautés avec Sia, I'm Still There sur StudacWeb. I'm fighting a battle, yeah. I'm fighting my C'était le nouveau single de Sia, I'm Still There, sur Studek Web. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans un instant, on retrouve toutes les infos de la télé ce week-end dans le journal des médias. Mais avant ça, on fait un point avec vous sur les audiences, Morgane Thomas. Oui, on s'installe dans le canapé, on allume la télé. Alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, plus de 5 millions de téléspectateurs, eh bien, ils ont veillé tard hier soir. Ils étaient sur TF1 jusqu'à 23h30. La première chaîne d'Europe est en tête des audiences grâce au blockbuster de David Ayer, Suicide Squad, avec le fabuleux Will Smith. Un classique de la comédie française arrive en seconde position. D'accord, le okay. Père Noël est une ordure. Programme des années 80, mais dans l'air du temps, avec des monuments, vous le savez, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Josiane Balasco, 3 500 000 téléspectateurs se sont fendus la poire. C'était sur France 2. France 3 clôture le podium des audiences télé, 200 000 personnes en moins que sur France 2, mais tout de même plus de 3 millions de Français qui ont regardé les enquêtes de Vera. La chaîne publique reprend du poil de la bête grâce à la série britannique. Au pied du podium, M6 et son magazine Capital, la troisième chaîne de France, perd une place au classement, mais comptabilise 700 000 téléspectateurs de plus que dimanche dernier. Mais le fait marquant de la soirée de dimanche, c'est Arte qui atteint le million pour la deuxième fois en une semaine. Hier, c'était avec un film historique, L'évadé d'Alcatraz. Oula. Merci Morgane. Comme chaque jour sur Studio Web, on vous informe des dernières infos médias. Et on commence avec le sommaire. TF1 arrive avec une émission sur la musique, le retour de la série Shérif sur France 2 et Jean-Luc Lemoyne va-t-il rester sur C8. TF1 arrive avec un nouveau concept, Romain. Et oui, le 29 décembre prochain, TF1 lancera une nouvelle émission, La Chanson Secrète, animée par Nikos Aliagas, tournée à la scène musicale à Paris. On y retrouve Maître Gims, Zaz, Patrick Fiori, Amel Bent, Patrick Bruel, Jennifer et Soprano. Robin, alors quel est la principe de cette nouvelle émission ? Eh bien, dans La Chanson Secrète, chacun des artistes, y compris Nikos Aliagas, vont se retrouver installés dans un fauteuil, dos à la scène et face au public. Derrière lui, un autre artiste va arriver et reprendre l'un de ses titres. Ainsi, un rappeur peut se retrouver à chanter une chanson pop. Une jeune artiste pourra reprendre le titre de l'un de ses idoles. À retrouver le 29 décembre sur TF1, la série Shérif de retour sur France 2. Et oui, France 2 annonce qu'elle lancera le vendredi 4 janvier à 21h la nouvelle saison de la série policière portée par Abdel Hafid Metalsid alias Kader Shérif avec 2 nouveaux épisodes inédits par semaine. Petite nouveauté, pour la première fois, 12 épisodes de 52 minutes seront proposés contre 10 habituellement. Kader et Roxane forment désormais un binôme solide et soudé. Leurs trajectoires sont liées. La police est le premier soutien de Shérif suite à la fuite de Christelle Laurent, la dangereuse criminelle obsédée par lui. Série à retrouver sur France 2 le 4 janvier 2019 sur France 2. Jean-Luc Lemoyne, son avenir reste flou sur C8. Et oui, vendredi dernier, l'animateur de TPMP refait la semaine, a dit au revoir à ses téléspectateurs via un message publié sur les réseaux sociaux suite à la déprogrammation de TPMP refait la semaine. Suite à ces propos, la question se pose sur l'avenir de Jean-Luc Lemoyne au sein du groupe Canal+, comme l'affirme jeanmarcmordeni.com. La direction de Canal+, se tient à faire savoir que l'animateur reste bien sur ses luttes et qu'il réfléchit à de nouveaux concepts. Selon le site OnZap, Jean-Luc Lemoyne n'a cependant pas de projet concret avec la chaîne pour l'instant. On vous tiendra au courant dès qu'on aura une information, bien évidemment. Merci Romain, tout retour de l'infomédia demain sur Studek. Web, bien sûr. Donc demain pour un nouveau numéro du journal des médias. On en parlait dans le D'accord, pas d'accord, la programmation 100% Noël de la chaîne TF1. Et on a de nombreuses réactions avec Elodie de Nantes qui nous dit « J'avoue que ces deux émissions à la suite sur le thème de Noël, eh ben ça fait beaucoup. Mais moi j'adore Jean-Luc Reichmann et c'est mon animateur préféré. Et on a également Cédric de Bayonne qui dit « Moi je préfère regarder à la même heure Philippe Etchebest dans Objectif Top Chef plutôt que C'est bientôt Noël ». Enfin, Philippe de Boulogne-Billancourt, je n'ai pas le temps de regarder les émissions de Noël sur TF1, car je suis encore au boulot à cette heure-ci. Eh ben, d'accord, ben, je te comprends pour Philippe, d'accord pour Cédric, et après, ben, chacun son avis, hein, malheureusement, on peut pas, enfin voilà, malgré le boulot, on peut pas tout faire, hein. Dans tous les cas, vous continuez de réagir avec l'hashtag #Airmedia. Dans un instant, Adrien nous parlera d'un animateur célèbre, et ça sera après les infos. Écoute ta web radio préférée, envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien! Avec Voxem, donne ta réponse au jeu, participe au débat et lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Studec Web, les infos. Vous écoutez Studec Web, dans quelques instants on vous dresse le portrait d'un animateur radio célèbre. Ça arrive juste après un point sur l'actualité avec vous, Éloi Brault. Bonjour Éloi. Bonjour Robin, bonjour à tous. Le secteur du commerce dans l'embarras avec 2 milliards d'euros de pertes à cause du mouvement des gilets jaunes qui dure depuis maintenant 5 semaines. Une perte que le secteur n'espère plus récupérer avant Noël. Le Conseil national des centres commerciaux a indiqué que la fréquentation des centres commerciaux avait baissé de 10% samedi par rapport au même jour l'année dernière. Et le mouvement des gilets jaunes qui agace le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Selon lui, ça suffit, il faut lever les blocages. Des opérations d'évacuation des ronds-points et d'axes routiers ont déjà débuté et vont se poursuivre cette semaine avec un mot d'ordre, le dialogue. Le président Emmanuel Macron réunira quant à lui demain plusieurs de ses ministres et des acteurs du monde économique afin d'organiser la grande concertation annoncée il y a quelques semaines au sujet de la transition écologique et sociale. Le président a donc fait l'impasse sur son déplacement prévu demain à Biarritz pour préparer le prochain sommet du G7. Un proche de Chérif Chekat, l'auteur présumé de l'attentat de Strasbourg, va être déféré devant un juge d'instruction antiterroriste à Paris. Il est soupçonné d'avoir fourni l'arme ayant servi l'exécution de l'attentat à Strasbourg, un revolver. L'homme de 38 ans est mis en examen et le parquet de Paris a requis son placement en détention provisoire. L'attentat du 11 décembre a fait 5 morts, la dernière victime est décédée hier soir et plusieurs personnes sont encore dans un état grave. Le nombre de décès sur les routes en baisse par rapport à l'année dernière. Sur le mois de novembre, la sécurité routière a observé une baisse d'1,8% du nombre de morts avec 267 personnes tuées contre 272 en 2017. Les chiffres sur l'année sont également réconfortants avec 245 décès de moins que l'année dernière, une tendance qui s'atténue depuis maintenant 2 ans après 3 années consécutives de chiffres en hausse. Et le tirage au sort des matchs de Ligue des Champions est tombé ce midi, un tirage globalement équilibré. Le Paris Saint-Germain affrontera le club anglais Manchester United, mal en point en première ligue. L'Olympique Lyonnais fera quant à lui face au géant Barcelone. Et en tennis, on connaît désormais le nom du nouvel entraîneur de l'équipe de France en Coupe Davis et c'est Sébastien Grosjean qui reprend le flambeau de Yannick Noah. Et un point sur la météo avec un temps principalement ensoleillé sur toute la France. Dans la moitié nord, beaucoup de nuages couvrent l'Alsace et la Lorraine avec des risques d'averses. Des averses également présentes dans les pays de la Loire. Dans la partie sud, rien à signaler jusqu'à la fin de journée, seulement un ciel quelque peu voilé à la frontière espagnole. Les températures sont au-dessus des normales de saison et comprises entre 3 et 12 degrés. Il fait 9 à Paris, 12 à Brest, 13 à Bordeaux, 11 à Montpellier, 8 à Lyon et 5 à Strasbourg. L'heure média est de retour avec vous Robin. Merci Éloine. Prochain flash à 16h40. Studec, l'infotrafic. Et comment ça se passe sur les routes Morgane Thomas ? Eh bien, on signale un accident sur la N12. 4 véhicules sont impliqués en direction de Guyancourt. La voie de droite est fermée à la circulation. Prudence à vous. Sur la A1, une moto est en panne. Elle ralentit le trafic vers Saint-Denis. Rien d'autre à signaler pour l'heure à part des ralentissements classiques sur le périphérique. Pour ceux qui prennent les transports en commun, attention, perturbation sur le RERB en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Un voyageur a fait un malaise et la rame est bloquée à la gare du Nord. Merci Morgane, l'infotrafic revient à 16h40 sur Studec Web. Baby, we'll be old. Think of all the stories that we could've told. baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One Day, Asaf Avidan sur Studek Web. Lundi, portrait. Aujourd'hui, Adrien nous fait le portrait de l'animateur du 6-9 de Énergie, Manu Lévy. Alias Emmanuel Lévy, qui arrive sur Fun Radio en 1989 en tant qu'assistant de Diego. À partir de la rentrée 91, il réalise durant une saison l'émission d'Arthur. Il quitte Fun Radio pour Europe 1 et devient de septembre 92 à juin 94 un des animateurs de Arthur et les Pirates. Il apparaît alors dans l'émission sous le pseudo de Maître Lévy et participe au succès très important de l'émission avec son humour insolent. 6h-9h30, c'est Manu dans le 6-9. Énergie. Tu sais quel cri fait un poussin de 200 kilos? Non. Piou piou. Que dit un médecin à une crevette avant de l'ausculter? Décortiquez-vous. Oh, elle est nulle. Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs? Je sais pas. Un MP3? Il rejoint Skyrock en septembre 94 et anime Les Monstres avec JC jusqu'en juin 95. Il anime alors jusqu'en août 1996 une émission de libre antenne de 20h à 22h avec Michel Bernier et Jade. À partir de septembre 1996, il anime la matinale sur Europe 2 avec Arthur et Jade et de septembre à 97 à juin 99 avec Arthur et Myriam Callas. Il retourne sur Fun Radio en septembre 2000 et co-anime Planète Arthur. Il rejoint Europe 2 à partir de novembre 2004 et co-anime Arthur et les Pirates, puis Radio Arthur de 16h à 18h jusqu'en février 2006. À partir de septembre 2006, il anime avec Nagui et Loïc, Nagui et du matin, Manu moins. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. C'est aussi une expression on peut utiliser et trop souvent oublier. Ah, voilà, j'ai envie de sortir de derrière les fagots. J'ai appris aujourd'hui l'expression un chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut prendre de chemin. Bah, ça, c'est un proverbe chinois, ça. Un coup de pied de pavé dans la mare. Ouais. Et on sait bien qui c'est qui saura. Ah voilà. Qui c'est là-haut? Bien vu. Vous, le grand, oui, qui nous gouverne. Regarde bien mon clin d'œil. De septembre 2008 à juin 2011, il anime Manu à la radio entre 6h et 9h avec un grand succès d'audience. Il est accompagné de Marc Michaud et Christina Guilloton, puis de Grégory Vacher à Virginie de Clausade, remplacé par Elodie Gossoin lors de son congé maternité. 9h17, on s'en va, c'est terminé pour nous. Tu vas me laisser le stylo, là je vais garder ce stylo et voilà. Je vais prendre l'ordinateur aussi. Je ne trouve pas ça, monsieur. Quelqu'un vient de louer cet appartement à partir du mois d'août de l'année prochaine. Écoutez, monsieur, pendant 2 ans. La personne que vous venez d'entendre s'appelle Bruno Guillon et c'était la surprise que je voulais vous faire pour la fin de l'émission. Bruno Guillon, c'est lui qui, à partir de le fin août, hein, je crois. 22, exactement. Et ben, je démarrais ailleurs le 21 pour te niquer. Je sais. Le 22 août, à partir du 22 août, c'est Bruno et ses amis qui vont vous réveiller chaque matin à partir de 6h. Il quitte alors Fun Radio pour rejoindre Énergie en septembre 2013, où il animera avec Vacher et Elodie Gossoin l'émission Manu dans le 6-9 de 6h à 9h. En 2014, il co-présente sur Énergie 12 Les People Passent le Bac avec Eric Amoulet. Il est également l'animateur de télévision. La même année, il présente aussi Piège de Star, une émission de caméra cachée, toujours sur Énergie 12. Et continue aujourd'hui sa matinale de Énergie de 6h à 9h. Merci Adrien pour ce portrait. Dans une demi-heure, vous retrouvez le GPS, le Grand Prime Studek sur Studek Web, présenté par Rémi Dove Romain. Ils reviendront sur l'histoire d'un artiste culte dans le Vinyl Story et votre instant culture avec le pain phare, des idées de sortie près de chez vous et des bons plans sont au programme. Et également des cadeaux avec le jeu de la marche arrière, où vous pourrez tenter de remporter votre pack Studek Web. Alors rendez-vous tout à l'heure, 17h, pour le GPS, le Grand Prime Studek sur Studek Web. Saurez-vous retrouver l'animateur et son émission? Le C'est qui c'est quoi sur Studek Web. Vous nous rejoignez Vous nous rejoignez à l'instant et vous avez bien fait car c'est le moment de jouer à notre jeu du c'est qui c'est quoi pour remporter votre pack Studek Web. Dedans, une visite des studios de Studek Web plus une photo dédicacée de toute l'équipe. Vous vous êtes inscrit pendant toute l'émission et c'est Laurie de La Rochelle et Hugo de Caen qui ont été sélectionnés. Mais vous qui êtes au travail ou à la maison, rassurez-vous, vous pouvez jouer aussi chez vous avec nous. Alors Romain, toi tu vas jouer pour Laurie de La Rochelle et toi oui. pour Hugo de Caen. Ok. Vous avez 2 minutes et pas une seconde de plus hein, pour trouver la personne qui se cache derrière cet extrait. Ah, c'est vrai que l'international entre finalement en relation avec les populations via le sport et c'est une porte d'entrée extrêmement facile parce que totalement universelle. C'est... Alors j'attends vos questions maintenant. Allez, alors, c'est bizarre mais en fait je reconnais la voix mais je sais pas c'est qui, tu vois. Et c'est bête, le principe hein. du c'est qui c'est quoi. Oui, en fait. C'est le principe après tout. Est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. Un homme, oui. C'est un animateur télé. Oh oui, il a la double casquette, on peut dire animateur. Journaliste et ouais, ok. Et est-ce qu'il est plutôt sur les chaînes publiques ou privées? Ah, il est sur une chaîne privée en ce moment. Canal Plus. En ce moment, mais il a fait du public auparavant. Oui, oui, il a fait de la radio, il a fait Radio France notamment à Orléans en 89. Ah. Donc c'est un animateur qui donc est-ce que c'est il anime sur TF1? Il a fait de l'animation sur TF1 en 90. Il a en commencé 90. Par ça, ouais. Okay. Il a commencé. Mais il n'est plus actuellement. Oui, on peut peut-être Morgane, t'as une petite idée, une aucune question. Idée, mais j'avais une précision à demander. La voix, elle a été modifiée, on est d'accord. Oui, mais c'est le principe okay. du c'est qui c'est quoi. Oui. Non, mais t'as dit tu reconnais la voix, donc j'ai pas compris. D'accord. Non, mais je reconnais un petit peu le ton de la voix, c'est ça. Alors, très bien. Non, bah du coup aucune idée. D'accord, Romain. Alors, il a une émission à l'heure actuelle. Attendez, j'ai un deuxième indice à vous proposer. Ah, c'est vrai que l'international entre finalement en relation avec les populations via le sport et c'est une porte d'entrée extrêmement facile parce que totalement universelle. C'est. Alors, est-ce qu'il anime du coup une émission de sport? Oui, bien sûr. Sur Canal Plus. J'ai trouvé. C'est Hervé Matou. Oui, bonne réponse de Romain. Ouais. Bah désolé Hugo, je suis désolé. Et bah voilà, donc du coup c'est Laurie de La Rochelle qui remporte bravo, son Laurie. Fameux pack Studek Web. Elle nous passera un petit bonjour parce qu'elle a gagné son pack Studek Web. Donc félicitations, elle remporte son pack Studek Web. Mais si vous voulez vous aussi gagner votre pack Studek Web comme eux, alors inscrivez-vous dès maintenant par mail à heurmedia@studekweb.com et vous serez peut-être sélectionné demain. Romain, dans quelques minutes tu nous parleras d'une émission iconique de TF1. Oui. Ça sera après le titre de Netta Toy sur Studek Web. Ouch. La. Ouch. La. He's a buck up in the buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck buck. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum po, prum pum po. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, hey, hey, hey. My mama says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine and he's about to regret. He's a buck up in the buck buck buck buck buck buck buck. You. Gagnante de l'Eurovision, c'est l'Israélienne Netta Toys sur Studek Web. Une année, un média. Chaque jour sur Studek Web, on revient sur une émission culte et aujourd'hui, c'est une émission sur l'amour, Romain. Eh oui, aujourd'hui, je me suis intéressé au jeu télévisé diffusé sur TF1 du 9 septembre 1985 au 4 juillet 1993, tourné Manège. Merci. Présenté par Evelyne Leclerc, Simone Garnier et Fabienne Egal. Alors au début de l'émission, on pouvait voir apparaître un manège qui tournait, faisant ainsi apparaître les candidats. Les femmes sont à gauche, les hommes sont à droite, mais toujours séparés par un mur que seul l'animateur peut affranchir tout au long de l'émission. Alors l'émission se déroulait en trois parties. En première partie, les candidats posent chacun à leur tour une question à chaque candidat sans filtre souvent. Si tu m'invites, dois-je emmener ma pizza ou bien tu arrives à te débrouiller toute seule pour faire à manger? Ah, pas de problème, je me débrouille toute seule. Je suis très inventive. Ah bah voilà. Pas que dans la cuisine. Après avoir répondu aux questions, les trois candidats doivent se vendre au mieux en 10 secondes afin de convaincre leur futur prétendant qui est de l'autre côté du mur de ne pas les éliminer. C'est du naturisme. Une guêpe vient te piquer sur la partie la plus sensible de ton anatomie. Tu cries à l'attentat, tu vas te cacher tout penaud ou tu demandes à une charmante demoiselle de t'enlever le dard. Je demande à une charmante demoiselle de me faire À la fin de cette troisième manche, le ou les candidats doivent poser sa dernière question à ses deux prétendantes. Cette question est la même pour eux deux et ils doivent y répondre à tour de rôle. Pendant le premier répond, le deuxième met son casque afin de ne pas entendre les réponses. À l'issue de cette ultime question, l'un des deux candidats est éliminé, et il ne reste plus alors que deux candidats, un de chaque côté. L'animatrice fait un décompte et c'est là que les candidats peuvent se rencontrer. 1, 2, 3! C'est pas vrai! Oh, c'est chouette! Pour la grande! L'émission s'arrêtera en 1993 mais reviendra pour une année en 2009 et sera présentée par Sébastien Coé. 5 nouveaux célibataires sont là ce soir. Bonsoir chez vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde dans le public! Cette émission est aussi connue pour sa célèbre parodie tournée enfin. Manège faite par les inconnus avec cette mythique phrase. Ingrid, est-ce que tu baises? Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Merci Romain de me donner la main sur cette phrase magique, hein, vraiment. Tu reviens demain, c'est ça, avec une autre émission, hein? Oui, toujours aussi classe. Oui, allez, je vous le lance, la roue de la fortune. Allez, dans quelques instants, on vous fera un point sur l'infotrafic. Il y aura Joyce Jonathan et le Zap TV. Studek Web, les infos. 16h40, le flash vous est présenté par Johan Bredeau. Bonjour Johan. Bonjour Robin, bonjour à tous. Semaine capitale pour sortir de la crise des gilets jaunes. Demain, ministres et acteurs économiques seront réunis à l'Elysée par Emmanuel Macron pour organiser la grande concertation prévue. Son déplacement à Biarritz pour lancer la présidence française du G7 est annulé. Il est remplacé par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, des gilets jaunes occupent toujours des ronds-points. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a appelé à la levée des blocages. Ça suffit, on ne peut pas continuer à paralyser l'économie française, a-t-il déclaré. Ce secteur a engendré 2 milliards d'euros de pertes non récupérables depuis le début du mouvement, il y a un mois. Hier, Édouard Philippe a tenté d'être plus précis sur les mesures annoncées lors d'un entretien réalisé par les Échos. Le Premier ministre y a détaillé notamment la hausse de la prime d'activité de 100 euros par mois. 5 millions de foyers seront concernés. Et on reste toujours sur les mesures annoncées et plus précisément sur la défiscalisation des primes de fin d'année. La SNCF va verser à près de 100 000 cheminots des primes exceptionnelles de 200 à 400 euros selon Guillaume Pépi, le patron du groupe ferroviaire. Pour les syndicats, cela ne compensera pas la baisse du pouvoir d'achat des salariés. 2018 a été la quatrième année sans augmentation générale des salaires, ont-ils signalé. La RATP, sur le même système, versera les mêmes montants à plus de 30 500 de ses salariés. Un proche de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg mardi dernier, sera présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. Il avait été arrêté jeudi. Il est soupçonné d'avoir aidé Chekat à obtenir le revolver utilisé le 11 décembre, tuant 5 personnes et en blessant 11 autres. 6 proches du terroriste placés en garde à vue, dont ses parents, ont été libérés. Tout autre chose maintenant, sport et football. Et on connaît les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera Manchester United. Nasser Al-Khelaifi, le président du club de la capitale, a réagi. « Nous serons prêts », a-t-il déclaré. Autre club français engagé, Lyon. qui tentera de créer l'exploit face à l'ogre barcelonais. Autre match de ces huitièmes de finale, Atlético Madrid-Juventus, Liverpool-Bayern-Munich ou encore Tottenham-Dortmund. Phase aller en février, phase retour en mars. Et le tirage des 16e de finale de la Ligue Europa a suivi. Un seul club français engagé, il s'agit de Rennes, qui affrontera le Betis Séville. La météo, pour conclure ce flash, quelques averses prévues dans la soirée sur Brest. Des nuages gris couvriront le ciel sur la moitié nord. Partout ailleurs, le temps sera dégagé. Et côté température, il fera 3 degrés à Lyon, 6 sur la capitale, 8 à Nice, la maximale pour Brest avec 11 degrés. Fin de ce flash, on continue avec Robin Chauffard et leurs médias. Merci Johan, prochain point sur l'info à 17h. Studec, l'infotrafic. Et puisque vous écoutez Studec Web, vous savez tout ce qui se passe sur les routes avec Morgane Thomas. Oui, et cet accident sur l'A12 vers l'A13, un poids lourd se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence, serré à gauche. Sinon, coup de frein sur le périphérique intérieur, entre Porte de la Villette et Porte Maillot. Pour ceux qui prennent les transports en commun, attention, perturbation sur le RERB en direction de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Un voyageur a fait un malaise et la rame est toujours bloquée à la gare du Nord. Sinon, sur le réseau routier, rien d'autre à signaler. Merci Morgane. Dans 3 minutes, on vous résume ce qui s'est passé à la télévision grâce aux Zap TV de Adrien. Et on vous donnera la sélection des programmes à ne pas louper ce soir à la télé. Ça sera après le titre de Joyce de Jonathan. On ira sur Studec Web. On se laisse, on se lasse, on abandonne. Jonathan qui sera en concert demain au New Morning à Paris dans le 10e arrondissement. Este domingo solo por Univision. Ah là là, il y a vraiment rien à la télé, c'est chiant. Ah mais attends, il y a Zap TV sur StudioQuad. Vous n'avez pas regardé toute la télé ce week-end, pas de problème puisque Adrien a compilé tout ce qu'il ne fallait pas louper hier à la télévision dans son Zap TV. Et aujourd'hui, un Zap consacré à la COP24, la conférence internationale en faveur de l'environnement s'est déroulée du 3 décembre au 14 décembre 2018 et s'est achevée samedi à Katowice en Pologne après deux semaines de discussions entre les représentants de 196 pays. Le sommet a réussi à rendre opérationnel l'accord de Paris de 2015 mais a échoué à engager une hausse collective des efforts. En octobre, dans un rapport historique, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat appelait les pays à diviser par deux leurs émissions d'ici à 2030. Je vous propose un résumé de cet événement. Je crois que d'abord, il faut rassurer les Français. Le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité, de toute façon, ne comporte pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population. Pas de danger pour la population. Il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. La banquise mondiale fond à une vitesse record. Ce réchauffement pourrait augmenter d'un et demi à 6 degrés au cours du prochain siècle. Les conséquences sont déjà dramatiques. Si l'ours disparaît, à terme, je le dis, l'être humain disparaîtra. Sacré nom d'une pipe. Chaque nation, en effet, apporte ses conceptions originales à la poursuite du but commun. Copenhague, la conférence sur le climat a pris fin. Chacun est rentré chez soi. Le temps des belles paroles est passé. Tout le problème est là. Il y a beaucoup de choses qui sont assez abstraites. Organisation de la société civile, militants écologistes ont défilé pour appeler les chefs d'État à des engagements plus courageux. C'est l'hymne de nos campagnes. Je m'engage au nom de la France à réviser au plus tard en 2020 nos engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Et je n'entends pas d'objection, l'accord de Paris pour le climat est accepté. Il faut que tu respires. Pour faire une promesse aux générations futures. The American Dream is dead. Le président des États-Unis d'Amérique a décidé de faire reculer ou bégayer l'histoire. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Alors, on me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Le temps ne fait rien à la terre. Quand on est con, on est con. On remercie Thomas pour avoir réalisé ce Zap spécial COP24. Et on remercie toi, Adrien, pour avoir présenté ce Zap TV. Je sais que tu viens de manger, t'as un coup de mou, t'as pas envie de commencer l'après-midi, tu vas même boire un bon café, mais t'en as pas besoin, j'ai une solution pour toi. Écoute le coup de boost de 14h à 15h avec Jérémy, Robin et moi-même Azem. On va rigoler, s'informer, on vous fait gagner des cadeaux avec le pack StudioQuad et surtout on passe un bon moment. Il y aura aussi les mauvaises blagues, mais bon, il y aura quand même la surprise de Noël pour le coup de boost de 14h à 15h sur StudioQuad. Hier soir, vous étiez encore en week-end, vous n'avez tout simplement pas allumé votre téléviseur ou vous n'avez pas ouvert votre programme télé. Eh bien, pas de problème puisque Adrien vous a compilé les meilleurs programmes à regarder ce soir à la télévision. C'est parti, on commence par ce programme télé, par Coup de foudre sur un air de Noël sur TF1. Mélodie, Vasseur est assistante de production sous la coupe d'une tyrannique responsable hiérarchique. S'il vous plaît, ne se moque pas. Merci. On l'aide doit pas, retrouver Michael Grimaud, un pianiste qui se fait oublier depuis 10 ans. La jeune femme espère le convaincre de jouer pour un concert prévu le soir de Noël à Vienne. Sinon, elle perd son emploi. Par ailleurs, elle a promis à ses enfants de passer Noël en leur compagnie. Mélodie finit par retrouver Michael dans un village des Alpes autrichiennes, Hutschberg, mais elle essuie un refus. Charlotte, connaissez-vous le pays du Père Noël ? En Laponie. Ma boîte qui m'envoie, Kiruna. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est complètement inapproprié. Non mais vous êtes malade ou quoi ? Pourquoi vous m'embrassez comme ça ? C'est vous qui avez commencé à m'embrasser. Oui, bah mais oui. C'était pas très... Non. Excusez-moi, je suis navrée, j'ai pris des canons dans l'avion, alors c'est pour ça que je suis très bizarre. Bah, disons, ça promet. Inédit, coup de foudre à Noël avec Thomas Sisley et Julie Debonnat, lundi à 21h sur TF1. Le classique Jurassic Park 3. Amanda et Paul Kirby, des riches aventuriers, proposent au paléontologue Alan Grant de les accompagner pour leur anniversaire de mariage. Ils ont prévu de survoler l'île de Sorna, où pullulent les dinosaures. En échange de son aide, ils leur promettent de financer ses recherches. Mais sur place, Alan Grant découvre qu'il a été piégé. Les Kirby sont en réalité à la recherche de leur fils Eric, disparu depuis 2 mois. Alors, sur quoi tu travailles ? Les raptors, surtout. Tu te rappelles les cris qu'ils poussaient ? Je préfère pas. Ellie, toutes nos théories sur l'intelligence des raptors, sur ce qu'ils étaient capables de faire, nous étions loin de la vérité. Raconte-moi. Eh bien, nous avons passé un crâne fossilisé au scanner. Attends une seconde, ça veut dire qu'on avait raison ? Je veux dire, ils avaient le don de s'exprimer ? Je suis convaincu que c'est la clé de leur intelligence sociale. Les raptors étaient féroces, intelligents et socialement sophistiqués. Ils étaient capables de chasser en groupe et de coordonner leurs efforts. Sans les événements cataclysmiques qui ont entraîné leur disparition, il est tout à fait possible que les raptors, plutôt que les humains, auraient pu devenir l'espèce dominante. On continue avec le film X-Men Origins Wolverine. Avec Hugh Jackman, au milieu du 19e siècle, après avoir tué l'assassin de son père, le jeune James fuit avec son frère Victor. Tous les deux mutants dotés de pouvoirs de régénération, ils traversent les décennies et les guerres. Ils seront bientôt approchés par le colonel Stryker, qui veut les enrôler dans un programme ultra secret Weapon X. Mais l'expérience tourne mal et James, devenu amnésique, se retourne contre Stryker. Toutes ces tragédies que tu as vécues, tout ça, je peux le faire disparaître. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance. Wolverine, deviens l'animal. Vous avez dépensé 500 milliards à le rendre indestructible. Je sais qui tu es, Gambit. Je veux du sang, pas de code de conduite, pas de loi. C'est ce soir 21h sur W9. Merci Adrien pour ce programme. Comme chaque jour, pour terminer cette émission, on va jouer ensemble. Vous qui nous écoutez, jouez chez vous. Le but du jeu est très simple, reconnaître 3 extraits de séries télé. 2 équipes, Morgane qui représente les journalistes et Romain et Adrien, les animateurs. Ouais, je suis en infériorité numérique, hein, on le note tout de suite. On commence avec le premier extrait. What I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and a piece of mind. Alors, vous avez une idée ou pas ici autour de cette table? C'est une série. Oui, c'est une série, oui. Oui, une série pour les filles, là. Les frères Scott. Bonne réponse de Marianne. Non, mais attends, je suis désolé. Mais là, nous met des bâtons dans les roues. Hein. N'étant pas des filles, nous n'avons jamais regardé cette série. Je suis une fille et je n'ai jamais regardé cette série. On poursuit avec le deuxième extrait. Alors, c'est une nouvelle série, hein. Oui. Alors, une idée ? Elle passe sur quelle chaîne ? France 2. Adrien, peut-être une idée. Allez, allez. Va pas laisser perdre les animateurs quand même. Une série française ? Oui, française. C'est oui. Plus belle la vie, non ? Ah, non, non, non, bah, non, c'est pas quand sur France 2, je suis bête. Bah oui, en non. Plus, je connais la chanson plus belle. Bon, allez, donnez une réponse. Française, bon. Un truc avec le soleil. Oui, voilà, bon, allez, on va valider. C'était Un si grand soleil un sur si grand soleil. Ah, voilà. Donc, c'est donc Morgane et les journalistes qui remportent donc comme d'habitude. Le quiz de série télé. Alors, merci à toi, Adrien, Romain, et merci à nous, à toi, Morgane, de nous avoir accompagnés pendant. De nous avoir aussi donné ton œil journalistique. Merci à vous qui nous écoutez. La prochaine heure média, c'est demain. Même lieu, même chaîne à 16h. Mais tout de suite, après les infos, c'est l'équipe du Grand Prime Sudec avec Rémi. Ah. C'est le GPS pour vous accompagner sur la route du retour. Salut Rémi. Bonjour Romain. Salut toute l'équipe de l'heure média. Et j'adore ton chapeau. Ah, il faut lui décrire ce chapeau. Hein. Alors justement, dans le plein phare, on parlera piano, c'est ça? Avec oui, Dove. On parlera de piano. Il y aura aussi le vinyle story de Romain. On parlera du DJ Moonboots. Des cadeaux. Noël approche pour vous. Pack Studek Web remporté au jeu de la marche arrière. Enfin, il y aura aussi de l'info et toutes vos conditions de circulation. D'accord, retrouvez Rémi et toute sa... Adrien, un petit mot ? Oui, faut juste préciser quand même qu'il a un bonnet rouge oui. Avec une espèce de truc noir autour. Alors de, ça de s'appelle bande noire. Une barratina. Ah oui, mais la catalane. Ça vient du traditionnel catalan, oui. Ah, catalan, d'accord. Et c'est quoi, c'est pour Noël ? Alors oui, les bergers, les paysans emportaient pas mal. Adrien, retrouvez Rémi et toute sa bande après une chanson que l'on écoute quand Noël approche.